Tu m'as dit que ton ex avait brisé ton cœur. Je suis venu le réparer. Je t'ai rassuré, même quand t'avais peur. Je t'avais promis de ne pas me faire pleurer. Je comprends que ton enfance a été dure, mais ça t'a grave traumatisé. Aujourd'hui, l'âme qui te traite d'endure, c'est par lui que t'es attiré. Les relations toxiques, ça t'excite. Je suis désolé, c'est pas logique. Quand je m'attache, tu prends tes distances. J'aime le silence et t'aimes la violence. Tu crées des conflits inutiles entre nous. Après, tu me fais passer pour un fou. Je dois te dire que je suis à bout. Pourquoi faut que je m'éloigne pour avoir ton attention? Pourquoi je dois faire du sale pour que tu me donnes ton affection? Des fois, je me demande si t'es allergique à l'amour. Si une relation toxique te manque à ce point. Déjà vous. En vrai, c'est ce que tu veux entre nous. T'as dit que tu voulais un homme qui te respecte, mais ce n'est pas vraiment à ton goût. Je me retrouve à jouer le rôle du méchant pour faire ressortir des sentiments. Je dois t'ignorer pour que tu parles de temps.